Le poème suivant d'Albert Samain, intitulé « Le repas préparé », est tiré de son recueil « Au flanc du vase », au flanc au pluriel.